En tout cas, c'est fou ce qu'il est raffiné. Tu crois que c'est vrai son histoire avec une vieille? C'est toi ça? Ah! J'en peux plus! Non! Oh.